Vous avez pensé à tout. Envoyer l'email à votre boss, récupérer les enfants à l'école, acheter le pain. Vous maîtrisez absolument, parfaitement, totalement la situation. Et puis, soudain, elle vous demande « Tu as pensé à commander du café ?» Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso. What else? What else? Quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'affaire Cornelius Gurlitt, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Baptiste Guiton. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Cornelius Gurlitt. Nous sommes le 22 septembre 2010, dans un train reliant Munich à Zurich. Des policiers arrêtent un septuagénaire à l'attitude étrange. Ils le fouillent et trouvent sur lui une enveloppe contenant une importante somme en liquide. L'homme précise que cela n'a rien d'illégal, mais les policiers le soupçonnent de fraude fiscale. L'homme présente ses papiers et se dit domicilié à Salzbourg, en Autriche. Mais les douaniers s'aperçoivent immédiatement qu'il s'agit de faux papiers. Ils découvrent sur lui un passeport allemand et un passeport autrichien au nom de Cornelius Gurlitt. C'est une affaire hors du commun. En fait, ce vieil homme est le fils d'un marchand d'art sous le Troisième Reich. Il a profité du vol par les nazis d'œuvres d'art appartenant à des galeristes ou collectionneurs juifs, receleurs de biens spoliés. C'est ainsi qu'il s'est enrichi. Et pour cause. On parle d'une collection de plus de 1500 œuvres découvertes dans ces deux maisons de Munich et de Salzbourg entre 2012 et 2014. Des créations de Picasso, Renoir, Chagall et Matisse, mais aussi Monet, Cézanne ou encore Rubens, Dürer et Renard ou Bruegel. Un trésor hallucinant caché dans ces maisons depuis plus de 65 ans. Un trésor qui, évidemment, a suscité beaucoup de controverses et qui garde d'importantes parts d'ombre. Mais il n'y a pas qu'en Allemagne où les œuvres d'art furent volées aux galeristes et collectionneurs juifs. En France aussi, une spoliation qui commence d'ailleurs une semaine après l'entrée des troupes allemandes dans Paris. À la fois politique de l'occupant nazi qui mène une guerre de délinquants et décision de Vichy qui collabore à cette ignominie, ces lois ont légalisé l'aryanisation de l'art et la spoliation des tableaux et biens juifs, des milliers d'œuvres qui, pour certaines encore, sont dispersées ou portées disparues. Pour aborder cette partie sombre de l'histoire française, nous recevrons, après la fiction, Emmanuel Polak, docteur en histoire de l'art et spécialiste de l'art sous l'occupation et des recherches des œuvres volées lors de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Polak est l'auteur du livre « Le marché de l'art sous l'occupation 1940-1944 ». Elle est aussi la commissaire scientifique de la remarquable exposition « Le marché de l'art sous l'occupation » organisée au Mémorial de la Shoah à Paris du 20 mars jusqu'au 3 novembre prochain. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'affaire Cornelius Gurlitt, de Renaud Meyer. Réalisation, Baptiste Guiton. Je peux savoir ce que je fais ici ? Simple contrôle de routine. Vous appelez cela de la routine? D'abord, on me demande mes papiers. Ensuite, on fouille ma valise. On me fait descendre du train sous bonne escorte. Et voilà que je me retrouve dans ce bureau à attendre je ne sais quoi, comme un criminel. Pourquoi moi? J'ai une tête de bandit. Une attitude étrange. À mon âge. Le problème, cher monsieur, c'est qu'en vous contrôlant par hasard, nous avons trouvé sur vous une enveloppe. On n'a pas le droit d'avoir des enveloppes sur soi? Des enveloppes vides, certainement. Mais des enveloppes pleines de billets, ça nous remplit de curiosité, avec mes collègues. Je déteste me déplacer sans argent. 9 000 euros? Vous êtes prévoyant. C'est interdit. Vous êtes douanier, vous connaissez la loi. Les sommes en liquide ne doivent être déclarées qu'à partir de 10 000 euros. Vous auriez eu 10 000 euros dans cette enveloppe. Je me serais dit que j'avais affaire à un amateur, à un fraudeur occasionnel, à un débutant sur le tard. Mais là, j'ai l'intuition que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Mais fraudeur. Vous voulez que je fraude qui ? Le fisc. Moi ? Une fraude fiscale ? Il y a des chances. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Cet argent, et puis vos papiers. Qu'est-ce qu'ils ont, mes papiers ? Ils sont faux. Faux ? Cette carte n'est pas à vous. Je me trompe ? Faire ça à un homme de mon âge, quelle humiliation ! Vous feriez mieux de me donner vos papiers. Voilà. Voilà, prenez. On y arrive. Cornelius Gurlitt. C'est moi. Vous êtes allemand ? Oui. Vous m'avez dit que vous étiez autrichien. Je vous ai dit cela ? En descendant du train. J'ai dû me tromper. Vous êtes certain d'habiter Salzbourg ? Bien entendu. Levez-vous. Vous permettez ? Qu'est-ce que vous faites ? Vérification d'usage. Vous n'avez pas le droit de me fouiller comme ça. Vous n'avez pas le droit de nous dissimuler votre identité, cher monsieur. Un second passeport. Autrichien, celui-là. J'ai la double nationalité. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Vous accumulez les curiosités. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Je ne suis pas obligé d'étaler ma vie sur la place publique. J'ai le droit de posséder deux passeports. Mais pas de posséder de faux papiers. C'était une vieille carte de transport appartenant à un ami. Et ces 9 000 euros, d'où viennent-ils ? Ils sont à moi. Ils correspondent à un salaire, une pension ? Vous avez vendu un objet de valeur ? Peut-être, oui, je ne sais plus. Vous exerciez quel métier, autrefois ? La peinture, l'art. J'ai restauré des tableaux, On va vérifier tout ça, monsieur Gurlitt. 22 septembre 2010. Cornelius Gurlitt, 77 ans, est contrôlé par des douaniers lors d'un voyage en train reliant Zurich à Munich. Les 9000 euros contenus dans l'enveloppe qu'il porte sur lui vont amener les enquêteurs à découvrir que ce septuagénaire n'a jamais travaillé, qu'il ne touche aucune retraite et qu'il est inconnu des organismes sociaux. Nulle trace de lui non plus auprès des services fiscaux. Pourtant, Cornelius Gurlitt habite un appartement de 100 mètres carrés dans Munich. D'un tempérament renfermé, jamais marié, sans enfant et sans métier, il vit reclus depuis des années. Un individu sans histoire qui fait figure de véritable fantôme. Devant ces zones d'ombre, les enquêteurs procèdent durant de nombreux mois à des investigations discrètes. Et le 28 février 2012, ils se rendent à son domicile, 1 place Arthur Kutcher, à Munich. Qui est-ce ? C'est la police, monsieur, ouvrez ! Repassez plus tard, j'ai pas le temps. Il faut nous ouvrir, sinon nous allons enfoncer la porte. Vous êtes monsieur Cornelius Gurlitt ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? C'est une perquisition ! Je ne peux pas ouvrir. Quoi ? Vous n'avez pas la clé ? Je ne suis pas visible. Je suis... en... En quoi, monsieur ? En pyjama. Mais c'est pas un problème, ouvrez ! Hors de question. Personne ne m'a jamais vu dans cette tenue. À part ma mère. Et ma sœur. Repassez un autre jour. Ouvrez ! Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Allez-y, c'est parti. Mais qui sont tous ces gens ? La police, monsieur. Je ne suis pas un assassin. Vous êtes soupçonné de fraude fiscale. Ne touchez pas à ça ! Oh, désolé, ils font leur travail, monsieur Gurlitt. Ce sont mes affaires. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons ? Laissez ça ! Oh, c'est une vraie porcherie, ici. Il faut aérer, cette odeur, c'est insupportable. Pourquoi vous gardez de la nourriture avariée, ces boîtes de conserve là, et ces sacs de supermarché ? Vous en faites une collection ou quoi ? C'est interdit. Que c'est que ça ? De vieux tableaux. Messieurs, ouvrez tous les cartons. Oui, ceux-là. Et puis ceux-là, dans toutes les pièces. Ouvrez tous les cartons, les sacs, les placards, je veux tout voir. Vous n'avez pas le droit. Picasso. Monet. Renoir. Vous allez me dire que vous êtes copiste à vos heures perdues, c'est ça? Je ne vous répondrai pas. Je n'ai pas commis de crime. Je vous interdis de toucher à mes œuvres. Qu'est-ce que vous allez en faire? Nous aurons la confirmation dans la journée que ce sont des originaux. Et puis ensuite, on va récupérer pour chaque œuvre son titre, le nom de l'artiste. Vérifier s'il y a un cachet, une inscription, quel est le revers. On fera une mise en ligne de ces données et puis un travail de traçabilité des œuvres avec des experts. Ensuite, ils vont restituer tout ça. Je vous en supplie. Dans ma vie, je n'ai jamais rien aimé tant que mes tableaux. Ils sont l'amour de ma vie. Le problème, ce ne sont pas ces tableaux ni votre amour pour eux, monsieur Gurlitt, mais leur provenance. En novembre 2011, vous avez revendu aux enchères le dompteur de Max Beckmann. Le tableau a été adjugé pour 725 000 euros. Les héritiers d'Alfred Flechtheim, le galeriste de Beckmann, qui avait fui le nazisme à cause de ses origines juives, ont réclamé 40% du produit de la vente. On peut donc douter de la provenance de ces tableaux, non? Ils sont à moi. C'est à cause du Beckmann que vous êtes ici? Nous avons trouvé un accord avec les héritiers. L'affaire est close. Ça fait 2 ans que nous avons un œil sur vous, monsieur. Depuis que mes collègues des douanes vous ont contrôlé. Encore cette histoire? Nous allons vérifier que toutes les œuvres que vous possédez ont une origine légale. Je tiens ces tableaux de mon père. Justement. Qu'est-ce que vous insinuez? Mon père était un héros. Ah, oui, un héros? Un héros du nazisme? Mon père a collaboré avec les nazis pour sauver ces tableaux de la destruction. Il a été acquitté en 1948 en raison de ses ascendances juives. Et je ne parle pas de son implication dans la promotion des peintres modernes. Votre père était un spéculateur. L'occupation était une époque de spéculation. L'art était une valeur refuge. Avec un Reichsmark très fort, les œuvres avaient un coût très bas. Un clé partait pour 300 dollars. Alors mon père achetait. Tout cela n'avait rien d'illégal. Alors pourquoi cacher ces œuvres dans des cartons, monsieur Gurlitt? Regardez-moi ça. Mes collègues ont les mains pleines. Une vraie caverne d'Ali Baba. La perquisition dure 4 jours. La trentaine d'enquêteurs fait état de 1400 œuvres entreposées chez Cornelius Gurlitt. Des Chagall, Matisse, Picasso, Lautrec, Renoir, Monet. Le 2 mars 2012, ils repartent avec les toiles. Dans la banlieue de Munich, des experts commencent à les examiner. Les autorités allemandes gardent le secret durant des mois. Mais le 4 novembre 2013, l'hebdomadaire Focus révèle le scoop, sous le titre « Le trésor nazi ». L'affaire est désormais connue du monde entier. On découvre que Cornelius est le fils de Hildebrand Gurlitt, célèbre marchand d'art au passé trouble. Le trésor de son père est estimé à 1 milliard d'euros. L'affaire ne cesse de rebondir. Le 19 novembre 2013, le procureur général Reinhard Nemetz annonce la restitution prochaine des œuvres à Cornelius Gurlitt, la plupart ayant été acquises avant 1933 ou créées après 1945. Mais le 28 janvier 2014, une commission d'experts annonce finalement que 590 œuvres de la collection sont soupçonnées d'avoir été spoliées. Les esprits s'enflamment. On propose de créer un musée Gurlitt pour mettre ses œuvres en sécurité. Et le ministre de la Justice de Bavière projette d'instituer une lex Gurlitt, loi à effet rétroactif, qui supprimerait la prescription des restitutions d'œuvres d'art. Commence alors un travail titanesque visant à retracer le parcours de chaque œuvre. Et les autorités n'excluent pas que d'autres œuvres soient encore cachées. Le 10 février 2014, la police se rend dans une petite maison de Salzbourg. Je ne pensais pas assister à une chose pareille de toute ma vie. Monet, Corot, Manet, Courbet, Renoir, des sculptures de Rodin, des dessins de Picasso, des plats de bronze, d'argent. Nous en sommes à 1650 pièces. Vous battez vos propres records, monsieur Gurlitt. Qu'est-ce que vous vouliez faire de tout ça? Vous ne croyez pas que c'est priver beaucoup de gens du bonheur de ces œuvres? Je ne pense pas que Renoir et Picasso aient consacré leur vie à ces tableaux pour les voir dormir dans des cartons. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas dans la tête de Picasso. Vous croyez qu'on peint pour faire plaisir aux gens? On peint parce que c'est nécessaire. On ne peut pas faire autrement, qu'on ne pense qu'à ça. On peint pour se libérer, et parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Pourquoi ces œuvres sont-elles cachées ici, alors? Pour les mettre à l'abri des cambrioleurs. Elles seront plus en sûreté dans un musée. Les musées en possèdent déjà assez de tableaux. Vous ne pouvez pas me les retirer. Je ne rendrai rien. Vous m'entendez? Rien. On ne peut pas m'obliger. J'ai la loi pour moi. Ce sera aux magistrats d'en décider. Ils auraient pu attendre que je sois mort. Monsieur Gerlich? Je n'ai rien à vous dire. Foutez-moi la paix. Vautour. Je ne fais pas partie des services de police, monsieur Gerlich. Je suis journaliste. Je travaille au Spiegel. Je m'appelle Franz. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de vous confier, de dire votre vérité sur cette affaire. Comme les journaux et la télévision racontent tout et n'importe quoi sur Cornelius Gurlitt, c'est peut-être l'occasion de nous révéler qui vous êtes. Pas un fraudeur, pas un voleur, mais un amoureux des œuvres d'art. S'ils me prennent ces tableaux, ce sera plus douloureux que la disparition de ma sœur et de mes parents. C'est tout ce qui me reste. Vous n'avez pas d'amis? Je ne vois personne. Je ne regarde plus la télévision depuis la création de la deuxième chaîne. Même le téléphone. Je préfère écrire. Et Internet? Ce sera le moyen de vous sentir moins seul. C'est une ouverture sur le monde. Non, c'est pas pour moi, ces trucs-là. Il faut sortir dans la rue, au parc, au café, parler à des gens. Je parle à mes tableaux. Le monde, ce sont mes tableaux. Alors si on me les enlève, on me retire l'humanité. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'il vous était arrivé d'en vendre certains. Il faut bien survivre. Mais à chaque fois, ça me brise le cœur. J'aurais dû tout garder. Mon père ne serait pas fier de moi. Oh, je ne suis bon à rien. Moi, je vous trouve très courageux. Mon père s'est tellement battu pour l'art. À mon âge, je devrais pouvoir compter sur toi, Cornelius. Tu as 60 ans, papa, tu n'es pas vieux. Mais demain, il peut m'arriver n'importe quoi. Tu as pensé à ça? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Cette nuit, j'ai encore rêvé de cet accident de voiture. Ma bagnole prenait feu, et je brûlais avec. C'est juste un cauchemar. Tous mes tableaux brûlaient avec moi. C'est un signe, je ne suis pas tranquille. Qu'est-ce que tu ferais s'il m'arrivait un accident? Tu serais capable de t'occuper de ce trésor? Oui, papa. Non. J'en serais totalement incapable. Tu es trop timide, trop introverti pour faire face à une telle entreprise. C'est plus qu'un sacerdoce, tu comprends? Il faut avoir l'énergie d'une armée, la stratégie de 10 généraux. Mais toi, mon Dieu, tu as raté tout ce que tu as entrepris. Je fais de mon mieux, papa. Tu as essayé la musique? Raté. La philosophie? Raté. L'histoire de l'art? Raté. Tu es incapable de gagner ton indépendance, toujours dans les jupes de ta mère. Je suis bien avec vous. Comment un père peut-il être tranquille avec un fils comme toi? Je te le dis pas méchamment, mais il faut te réveiller. Je te jure que je serai un bon fils, papa. Si t'arrivait quelque chose, je prendrai soin de tes tableaux. J'y veillerai comme à la prunelle de mes yeux. C'est bien. Très bien. Mais ça suffit pas. Il faut savoir brouiller les pistes pour garder un trésor comme celui-là, usé de ruse. Durant la guerre, c'était Weber qui achetait les tapisseries pour moi. Et Théo Ernsen qui se chargeait des tableaux. Tout le monde ignorait que j'étais le véritable acheteur. C'est comme ça que tu as acheté une fortune, un faux Cézanne et un faux Daumier. On ne rit pas avec ces choses-là. Excuse-moi, papa. Si je disparais, voilà comment tu devras agir. Si on te donne la preuve qu'une œuvre a été achetée par moi et qu'elle appartenait à un juif, n'hésite pas à dire que le Gurlitt qui l'a acheté est un cousin. Wolfgang Gurlitt, marchand d'art, lui aussi. Tu sais, je n'ai jamais rien fait de mal. Mais les gens sont tatillant et jaloux. Alors mieux vaut être prudent. Quand les Américains m'ont demandé d'où venait le Lieberman, j'ai dit que je le tenais de mon grand-père. Ils ne sont pas allés chercher plus loin. Ils me l'ont rendu. Si j'avais dit que je le tenais de Friedman, l'industriel du sucre de Breslau, ils l'auraient gardé. Qu'est devenu ce Friedman? Mort dans les camps de l'histoire ancienne. Il faut céder quelques œuvres sans grande valeur et garder les autres. Donner les miettes. Mais je pourrais jamais cacher tout ça. Il le faudra. Tiens. C'est une photographie de notre maison de Dresde. Elle a été réduite en cendres le 13 février 1945. Cette photographie est la preuve de la disparition de ma collection. Avec elle, tu pourras fuir toutes les accusations et dire aux indiscrets que ce qu'ils cherchent est parti en fumée. Ça n'a pas dû être facile avec votre père. On n'édifie pas une telle collection sans une certaine détermination. Une détermination à la limite de la légalité. Les acquisitions de mon père ont toujours été légales. Ça n'est un secret pour personne que votre père a été engagé par Hitler. Attendez, je l'ai noté ici. Comme acheteur, en France, pour le Führermuseum de Linz. À cette occasion, il a été chargé de la spoliation des biens culturels possédés par des Juifs, sous l'autorité d'Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris. Il a racheté à des prix dérisoires des tableaux de maître. Si c'est pour traîner mon père dans la boue, notre entretien va s'arrêter là, monsieur. Non, monsieur Gurit, je veux juste savoir quelle image vous avez gardée de votre père. Quelles étaient vos relations? Sans cela, on ne peut pas comprendre votre propre histoire, votre lien à ces tableaux. La découverte du trésor de Cornelius Gurlitt va replonger la presse et le monde de l'art dans le passé trouble de son père. Docteur en histoire de l'art et directeur du musée de Zwickau dédié à l'art moderne durant les années 20, Hildebrand Gurlitt en est licencié en 1930 en raison de ses goûts prononcés pour l'avant-garde picturale, mais également de ses origines juives. Il s'établit alors comme marchand d'art et se consacre au commerce illégal des œuvres d'art dégénérées, symbole pour les nazis du complot judéo-bolchévique. Le 17 juillet 1937, Hitler organise à Munich une exposition consacrée à cet art dont il faut se débarrasser. La vente de 16 000 œuvres cubistes, dadaïstes, surréalistes, pillées dans les musées allemands et dans des collections privées juives, est confiée à quatre marchands, dont Hildebrand Gurlitt. L'art dégénéré, vous dites ? Mmh. Oui, peut-être. Je ne sais plus. J'étais enfant. Les agissements de votre père ne vous sont pas imputables, mais vous pourriez avoir un regard critique, non ? Non. Je l'ai toujours vu agir avec amour et grandeur pour sauver ce trésor. Après les bombardements de Dresde en 1944, vous devez avoir 12 ans, nous avons rejoint le château d'un ami près de Nuremberg avec ma grand-mère, mon père, ma mère et ma sœur. Dans ces caisses, papa. Faut l'inviter à personne, Cornelius. Jure-le-moi. Oui, papa. Jure. Je le jure. Dans ces caisses, il y a des tableaux, des objets d'art. Des masques africains, des bouddhas, des toiles et des dessins de maîtres italiens, français, hollandais. Je t'ai déjà montré ces objets, tu les connais. Tu m'as dit que c'était ton trésor. Voilà. Eh bien, ce trésor, il doit rester à nous. Ce sera pour toi et ta sœur, plus tard. Les gens aiment les trésors, tu comprends? Alors mieux vaut cacher tout ça et n'en parler à personne. On te volerait ton trésor? Je connais même des gens qui n'hésiteraient pas à le détruire. Si je les avais pas mis à l'abri, les nazis auraient brûlé ces tableaux. Pour eux, c'était des œuvres de dégénérés. Degas, Courbet, Fragonard, Chagall, tous dans le même sac. Allez, aide-moi à monter cette caisse. Ah. Il y a quoi dans celle-là, papa? Dans celle-là? Les Beckmann. Le dompteur de lion? Il est dedans? Tu te souviens du dompteur de lion? Je peux le voir? Une autre fois. Il sera à toi, un jour. Si tu travailles bien, tu pourras étudier l'histoire de l'art et devenir un grand marchand, comme ton père. Tu verras, le pensionnat de l'Odenwald de Schule est très réputé pour son enseignement. On est obligé de déménager. Nous n'avons plus de maison, tu le sais bien. Ce n'est pas moi qui bombardais Dresde. Allez, file rejoindre ta mère. J'ai plus besoin de toi. Attendez, que je comprenne bien. Votre père a été arrêté par les Alliés et placé en résidence surveillée. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'a jamais volé quoi que ce soit. Il a toujours payé ses tableaux. D'ailleurs, dans les années 50, les Alliés lui ont rendu les œuvres saisies. C'était pour lui une telle joie. Et puis, son cauchemar est devenu réalité. Il est mort dans un accident de voiture. Contrairement à ce qui se passait dans son cauchemar, ces tableaux n'ont pas péri dans l'accident. Vous en êtes devenu le gardien. Voilà pourquoi je ne rendrai rien. Il va bien falloir, monsieur Corbitt. Je ne vois pas comment vous allez convaincre la justice de vous laisser ces tableaux. Allez, venez. Le 7 avril 2014, Cornelius Gurlitt et ses avocats trouvent un accord avec le gouvernement allemand. Les ayants droit des familles juives spoliées disposent alors d'un délai d'un an pour prouver que certaines œuvres leur ont été extorquées. La justice promet de restituer à Gurlitt sa collection dans le cas contraire. Cette décision prend en compte le fait que l'opération menée par Hitler contre l'art dégénéré en 1937 a été couverte par une loi rétroactive jamais abrogée. En effet, contrairement à la France, Berlin n'a pas mis en place de cadre juridique de restitution des biens aux familles juives. Voilà Cornelius Gurlitt soulagé. Mais au printemps 2014, la santé du vieil homme se détériore. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Je suis fatigué par cette opération du cœur. Je veux bien vous accorder un dernier entretien, mais après, il faudra me laisser tranquille. Je ne veux pas vous importuner, monsieur Gurlitt. Je voulais juste évoquer une dernière chose avec vous. Je voulais savoir si vous étiez conscient de posséder un héritage extrêmement contestable. Je vous croyais plus fin. Ne le prenez pas mal, mais pour beaucoup de gens, ce trésor, c'est un vol des familles qui étaient propriétaires des tableaux et un vol pour l'histoire de l'art. De grandes déclarations, tout ça. Mon père a toujours acheté ces tableaux légalement. Toujours. À Drouot. Votre père achetait à Drouot, mais il se fournissait aussi auprès de Rochlitz, le marchand allemand de la rue de Rivoli, lui-même très impliqué dans la spoliation de biens juifs. Ces histoires me fatiguent. Arrêtez. Il avait ses entrées auprès d'Adolf Wüster, le conseiller culturel de l'ambassade du Reich à Paris, qui a saisi la collection Rosenberg. C'était la guerre. Le Matisse de Rosenberg, n'étant pas dans la liste des tableaux restitués à votre père en 1945, on peut supposer que Wüster lui a donné après la guerre, alors qu'il continuait à se livrer à des trafics. Mes avocats ont trouvé un accord avec les familles juives. La petite fille de Rosenberg a obtenu ce qu'elle voulait, non? Ce qui prouve que votre père était plus ou moins impliqué. La femme au profil devant la cheminée de Matisse, dissimulée dans un coffre à la banque par Rosenberg, a été saisie en 1941 et entreposée par les nazis au jeu de paume. Assez! Mon cœur est malade. Toute cette publicité autour de la collection de mon père, ces demandes de restitution, quelle foire! Il faut sauver la collection, c'est ça l'important. Tenez, vous n'êtes pas tendre avec moi, mais j'ai confiance en vous. C'est mon testament. Il fait du musée des Beaux-Arts de Berne mon légataire universel. Le trésor de mon père ne sera pas dilapidé. Vous voulez tout donner, vraiment? Je vais partager un secret avec vous. Ma valise, s'il vous plaît. Oui. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Monet, le paysage du soir. Celui-là, personne ne l'aura. Je veux le regarder en quittant ce monde. Et dans celui-là, je verrai tous les autres. Vous venez d'entendre l'affaire Cornelius Gurlitt de Renaud Meyer avec Georges Claes, François Prot, Pauline Ziadé, Philippe Frécon, Christophe Raymond, Antoine Sastre, François Kergourlet et Marie Dompnier, et les voix de Jean-Charles Delaune et Vincent Launay-Franceschini. Bruitage, Sophie Bissens. prise de son, montage, mixage, Jean-Michel Bernot et Amandine Grévoz. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Baptiste Guiton. Au-delà d'ici-bas, que restera-t-il de nous, de moi, de maladie, d'abcès ou d'excès en nombre? Il apparaît que les chevaliers, sous la table, tombent saignés par des colombes, cœurs dévorés et leur chaleur évaporée. Malgré la noble quête de beau, de bon, de bien, rien que les restes d'un funèbre festin, après lequel lentement certains se désactivent, choisissent la voie passive, et désormais le malin semble guider les instincts moyens. Ce sont depuis les lieux calmes qu'on note d'académiques palmes, que de tout un fatras l'option du recueillement fait loi. Que de chimères sur musée-cimetière.fr. Envers toute appréciation, ce sont musées-cimetières. De foudre en paratonnerre, ce sont musées-cimetières. Musée-cimetière, musée ou cimetière. Dessins de l'un à l'autre, heureux sont encore les apôtres en vision des choses au travers des pauses. Je croise dans les imaginaires en revue des visionnaires dont m'apparaît la dernière œuvre, comme pieuvres et couleuvres, fantômes sans lendemain, mes traces des humains. Que de chimères sur musée et cimetière.fr. Envers toute appréciation, ce sont musées et cimetières. De foudre en paratonnerre, ce sont musées et cimetières. Musées et cimetières, musées ou cimetières. Si j'avais une sépulture, y graverait-on un souvenir contre l'usure, né par une nuit obscure, dans le strict anonymat, voué à un funeste trépas, par l'étoile de plume, dans les ténèbres régnant, au constat du néant. Ici déposés, les membres atrophiés du corps, d'un demi-vivant et son ombre furtive, qui erra en côtoyant des amalgames d'or, des poussières de créatures, des faits et ivres. Il avança seul de ses pas, en guise de passe-droit. Que de chimères sur musée-et-cimetière.fr. Envers toute appréciation, ce sont musées et cimetières. De foudre en paratonnerre, ce sont musées et cimetières. Musées et cimetières, musées. Affaires sensibles, la fiction. Ce tableau appartenait à Georges Mandel. Il était situé dans son appartement et en 1940, très vite, Georges Mandel est arrêté. Il sera poursuivi dans le cadre du procès de Rion engagé par les autorités de Vichy pour essayer de démontrer la responsabilité de la République dans la défaite. Et puis Georges Mandel sera même déporté à Brunval, puis reviendra en France et il sera assassiné par la milice près de Fontainebleau. Entre-temps, son appartement a été pillé et toutes ses œuvres ont été volées par les nazis et emportées en Allemagne. Et puis, il y a 4 ans ou 5 ans, lorsqu'on a retrouvé parmi les 1500 œuvres qui se trouvaient dans cette collection absolument incroyable cachée chez Gurlitt, eh bien, il y avait ce tableau et la famille m'a demandé de faire les démarches nécessaires auprès des autorités allemandes pour obtenir la restitution de ce tableau. Il était décrit dans un inventaire comme ayant un défaut à un doigt sur la main qu'on aperçoit au centre du tableau. Et effectivement, on a pu retrouver ce défaut sur le tableau. Pour cela, il faut rendre grâce à une femme extraordinaire, Rose Vallant, qui était conservateur au musée du Louvre et qui a, pendant la guerre, noté très scrupuleusement toutes les œuvres qui étaient pillées par les Allemands et qui partaient en Allemagne. Et ça a énormément aidé le travail de restitution. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'affaire Cornelius Gurlitt, notre invité Emmanuel Polak, docteur en histoire de l'art et commissaire scientifique de l'exposition Le marché de l'art sous l'occupation, organisée au mémorial de la Shoah. Bonjour Emmanuel Polak. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, docteur en histoire de l'art et spécialiste de l'art sous l'occupation et des recherches de provenance des œuvres volées lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes l'auteur du livre Le marché de l'art sous l'occupation de 1940 à 1944, paru chez Talendier cette année. Vous êtes aussi, et peut-être même surtout en l'occurrence là, la commissaire scientifique de la remarquable exposition Le marché de l'art sous l'occupation, organisée au mémorial de la Shoah à Paris depuis le 20 mars et jusqu'au mois de novembre prochain. Donc à ce titre, vous allez pouvoir nous expliquer comment ces œuvres ont été volées ou spoliées, et surtout ce qu'elles sont devenues et comment les rechercher encore aujourd'hui. Mais avant de continuer sur la France et l'époque de l'occupation, restons sur le personnage mis en scène dans la fiction, mais bien réel, Cornelius Gurlitt. Et je pense d'ailleurs que les liens avec la France et votre expo ne sont pas si éloignés. Alors qui était ce Cornelius et comment a-t-il pu cacher ses œuvres volées aussi longtemps ? Alors Cornelius Gurlitt est le fils d'Hildebrand Gurlitt. Et pour les historiens de l'art qui travaillent sur le marché de l'art sous le Troisième Reich, nous connaissions très bien Hildebrand Gurlitt. Nous savions qu'il avait été à partir de 1943 un des marchands d'Hitler pour la mission de Linz. Souvenons-nous que le Führer avait souhaité édifier à Linz, dans une ville de Haute-Autriche où il avait passé une partie de sa jeunesse, eh bien un grand musée dans lequel il fallait bien sûr trouver des œuvres dans l'Europe occupée pour les présenter au CIMES de cette grande galerie de Linz. Et le premier directeur, Hans Pose, décède en 1943. Il est remplacé par Hermann Voss, et Hermann Voss a partagé les bancs de l'université avec Hildebrand Gurlitt. À ce titre, ils sont amis, ils lui confient, eh bien, la mission d'aller à Paris, de surveiller le marché de l'art parisien et de trouver les plus belles œuvres pour le musée de Linz. Donc, il le mandate pour aller piller. Piller, moi je pense que c'est plutôt l'armée allemande qui va piller dès l'été 1940. C'est vrai, oui. Vous avez entièrement raison. Il a une manne sans fond, il a énormément d'argent, et donc il vient sur le marché de l'art. Le marché de l'art a des caractéristiques tout à fait particulières, puisque le Reichsmark est très haut, le franc est très dévalué, il y a un afflux de marchandises, et qu'on le voit à Drouot, il y a énormément de marchandises qui vont passer dans les salles des ventes. Et à ce moment-là, il y a un changement de clientèle également. Les Allemands et les dignitaires nazis vont venir à l'hôtel Drouot. Les enrichis du marché noir vont aussi avoir envie de changer leur liquidité pour avoir des produits manufacturés. Et donc, ce marché de l'art est tout à fait particulier. Hildebrand Gurlitt s'y rend. Il a beaucoup d'argent, il a du goût, parce que nous devons dire qu'il a fait des études à la fois d'historien de l'art, hein, il s'y connaît véritablement. Il était le directeur du musée de Zwickau dans les années 30, et comme il est assez proche des expressionnistes allemands, finalement il va pas du tout avoir la possibilité de participer aux décisions un peu plus importantes souhaitées par Hitler, et notamment sa propagande contre l'art moderne. Oui. Et il va être amené donc à quitter le musée de Zwickau. Il va devenir marchand d'art, il va ouvrir un Kunstkabinett, et à ce titre, il va, en 1943, être le Missus Dominicus de Voss pour la galerie de Linz. Est-ce que vous avez rencontré le fils Cornelius, lors de vos enquêtes? Alors non, parce que moi j'arrive en tant qu'expert de la Task Force en 2014 et Cornelius Gurlitt est décédé à peu près à ce moment-là. Ce qui est très troublant, c'est qu'on trouve 1235 œuvres à Munich dans un appartement modeste à Schwanbing. Vous dire également que Cornelius est atteint du syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'il garde absolument tout. Donc c'était dans un état, l'appartement était dans un état absolument lamentable, mais pour les historiens d'art que nous sommes, il avait toutes les traces, il avait absolument toutes les archives, toutes les factures. Donc il y a des archives qui sont absolument fabuleuses et qui nous permettent de faire des recherches de provenance. Donc ça, c'est une première chose. Vous dire que Hildebrand Gurlitt est décédé en 1956, renversé par une voiture. Et lorsque Cornelius Gurlitt hérite de ce héritage douteux, il le c'est sait. C'est moi qu'on puisse dire. Il le sait véritablement, il aurait pu faire toute la lumière, il aurait pu travailler à ce moment-là. Parce que la collection se décompose de la façon suivante, il y a un tiers composé d'œuvres secondaires de la famille Gurlitt, ce sont des artistes, Cornelia la sœur et peintre vient à Paris chez les Chagall. Il y a un autre tiers qui est très intéressant, qui composé d'œuvres qui ont été déposées des cimaises des musées d'art moderne. Parce que comme je vous le disais, Hildebrand Gurlitt aimait beaucoup les expressionnistes allemands, qui vont devenir absolument défendu et leurs travaux seront complètement stoppés. Et puis, le troisième tiers sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ce sont des œuvres qui ont été achetées sur le marché d'art parisien. Marché d'art tout à fait particulier, car une partie de la marchandise qui va arriver à l'hôtel Drouot ou dans d'autres salles des ventes, finalement sera alimentée par des confiscations issus des arianisations, des spoliations souhaitées par les ordonnances allemandes et les lois de Vichy. Alors, quel distinguo faut-il faire d'un point de vue sémantique? Parce qu'on a, on peut dire, vol, spoliation, confiscation, c'est des degrés divers finalement, mais ça recouvre la même réalité. Ça recouvre exactement la même réalité, pillage plutôt lorsque c'est l'armée allemande. Tiens, j'ai oublié cela, pillage effectivement. Pour les pillages, à mon avis, c'est l'heure de l'été 1940. Mm-hmm. Hein, c'est véritablement Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, qui prend la direction de cette volonté de prédation du patrimoine artistique appartenant principalement aux familles juives, rappelons-le aussi. Puis, à l'automne 1940, les choses vont s'organiser. Et c'est un tandem, Alfred Rosenberg, idéologue du Troisième Reich, Hermann Göring, qui vont mettre en place un état-major dédié à la spoliation des œuvres d'art. Et donc cet état-major s'appelle l'Einsatzstatt Reichsleiter Rosenberg, ou je l'appelle dorénavant ERR. Alors ça montre, soit dit au passage, c'est l'un des éléments, cette histoire-là, l'un des éléments de ce qu'on pourrait appeler la dimension mafieuse de la guerre d'Hitler, parce que il y a des vols, rue Lauriston à Paris était remplie de repris de justice et de leur part, tout ça c'est vraiment mafieux, une guerre mafieuse entre autres, une guerre d'extermination bien sûr, une guerre d'extension territoriale évidemment, et puis cette guerre mafieuse, c'est l'un des éléments de cette guerre-là. Oui, vous avez entièrement raison, on voit des intermédiaires, on voit le milieu interlope, c'est d'ailleurs ce qui m'a véritablement intéressé, d'essayer de dresser des filières de personnes qui travaillaient avec. Alors il y a par exemple des femmes, il y a Maria Almas-Dietrich, une marchande d'art d'Hitler, qui a des moyens tout à fait considérables, qui descend dans les grands hôtels, qui va, on a des factures, elle va manger du caviar, boire du champagne, profiter du guépari, et elle achète des œuvres. Elle n'y connaît absolument rien, et donc c'est un sport national que, pardonnez-moi l'expression, refourguer des faux aux Allemands qui ont beaucoup d'argent. Et Maria Almas-Dietrich aura effectivement des œuvres de très très très basse collection. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Cornelius Gurlitt avant de vous pencher sur le dossier? Vous en aviez au moins entendu parler? Alors j'en avais entendu parler dans un article qui date de 2005 de Katia Terlo, qui a été très certainement la première historienne de l'art à travailler sur le sujet. Mais pour l'anecdote, j'étais 15 jours auparavant au Getty à Los Angeles dans un colloque avec les plus grands spécialistes du marché de l'art sous le Troisième Reich. Vraiment, que des collègues allemands, autrichiens, hollandais, israéliens, belges, j'étais la seule française, le tout sous la houlette de Lynn Nicolas, qui est véritablement la pionnière sur ces questions. Et lorsque nous sommes revenus 15 jours après, nous avons découvert l'affaire Gurlitt, parce que sachez que cette affaire a été découverte par les autorités allemandes en 2012. Or, c'est un journal Focus qui va faire fuiter en 2013. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un temps pour lequel on a pu se poser quelques questions. Alors, une partie des œuvres volées par Cornelius Gurlitt et son père est aujourd'hui dans deux musées, Berne en Suisse et Munich en Allemagne. Bah, c'est une bonne idée que de les exposer, de les voir enfin. Alors, c'est une bonne idée. Ou pas. Il y a deux. Oui, parce qu'en fait, le ton, il y a normalement le ton de question là. J'étais pas certain que ce soit une bonne idée. Il y a deux logiques. Il y a la logique du chercheur de provenance et le chercheur de provenance, dont je fais partie, absolument, eh bien, va tout faire pour pouvoir essayer de trouver à qui appartenait l'œuvre avant 1933, lors de l'avènement d'Hitler. Donc ça, c'est véritablement ce qu'on cherche. Et puis, il y a la logique des conservateurs qui, eux, vont travailler, vont peaufiner les œuvres, les faire restaurer, les présenter le mieux possible, travailler sur les cartels, et pour les présenter, travailler sur le catalogue d'exposition. Et vous voyez qu'il y a des logiques qui ne sont pas véritablement concordantes, parce que moi, je veux vraiment qu'on travaille sur les recherches de provenance. Mmh. Il est temps. 75 ans après les faits, il est vraiment temps. Les personnes bien disparaissent, hein, on en est à la deuxième, troisième génération, on en perd la mémoire. Et pourtant, on a beaucoup d'archives. Je vous parlais des archives de Cornelius Gurlitt, qui sont actuellement au Zentralinstitut für Kunstgeschichte à Munich, qui seront versées à Koblenz, dans les archives fédérales. Et en France, nous avons beaucoup d'archives aussi qui renseignent ces spoliations. On a entendu parler de Rose Vallant. Rose Vallant était cette jeune attachée de conservation qui est restée au musée du Jeu de Paume, le lieu de stockage des œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a dressé la liste de ses œuvres qu'elle a vu passer au musée du Jeu de Paume, sur lesquelles elle est partie ensuite en Allemagne pour essayer de récupérer ses œuvres d'art. Pour vous donner un chiffre, oui. Si vous le souhaitez, et après, 100 000 œuvres transférées en Allemagne, 60 000 revenus, et 45 000 restitué dès l'immédiate après-guerre. D'accord. En France. Et puis, un différentiel de 15 000, pour lequel, le chiffre se décompose de la façon suivante. 13 000 vendus par l'État entre 1950 et 1953 par les domaines. Et là, ça pose un problème parce que parmi ces œuvres, il y a des œuvres qui ont été spoliées et donc qui vont ressurgir sur le marché de l'art. Et puis, les 2 000 qui sont les fameux MNR, les œuvres MNR, les œuvres musées nationaux récupération, confiées au musée à leur charge de trouver les ayants droit. Emmanuel Polak, merci pour toutes ces précisions, si j'ose dire très très précises, et on se retrouve dans 3 minutes. What you are, a rare and fine. Emmanuel Polak, nous avons diffusé une archive, juste avant le début de cette interview, de Pierre-François Veil, l'avocat de la famille de Georges Mandel, alors homme politique et résistant tué en 44, bien connu, dont un tableau volé pendant la guerre a été retrouvé dans la collection Gurlitt. Qu'est-ce que vous a inspiré cette déclaration ? Alors, j'ai eu l'honneur de travailler avec Maître Veil à la récupération de cette œuvre. J'ai travaillé pour ma partie sur les recherches de provenance. Et nous avons la joie de présenter l'œuvre. Ce portrait de femme assise de Thomas Couture, nous le présentons au CIMES du Mémorial de la Shoah, dans la conclusion de l'exposition dont j'ai la possibilité d'avoir assuré le commissariat, et qui est l'atelier du chercheur de provenance. Donc dans l'atelier du chercheur de provenance, nous montrons cette œuvre et nous la présentons. Elle est revenue le 1er mars à Paris, après 76 ans restés en Allemagne. Eh bien, on va parler de l'expo, justement. On va en faire la publicité, parce que c'est pas de la publicité de marque, hein, c'est la publicité d'art. Donc, très bien. J'imagine et j'espère qu'il y a beaucoup d'explications et que le visiteur va être guidé à travers l'histoire de façon précise. À écouter ce que vous me dites et la façon dont vous me parlez, j'imagine que c'est très précis. Vous avez raison, il faut que ça soit précis, c'est important. Cette exposition présente trois salles. La première salle est dédiée à différents parcours de galeries. J'ai travaillé sur des galeries, j'ai travaillé sur la galerie Bert Veil, la galerie de Pierre Loeb, la galerie de Paul Rosenberg, le fameux grand-père d'Anne Sinclair. Et puis sur l'itinéraire de René Guimpel. Donc on voit différents parcours. Je présente également les lois les plus importantes qui ont permis soit l'aryanisation, soit la spoliation des œuvres d'art. Et enfin, nous allons dans l'hôtel Drouot, dans les années 40, à travers un reportage photographique de Noël Le Boyer, qui présente la venue de Jean Tissier, acteur populaire des années 40, à l'hôtel Drouot, une journée ordinaire, le 30 octobre 1942. Avez-vous rencontré des descendants de familles spoliées qui cherchent encore des œuvres d'art que vous disent-elles quel est leur état d'esprit? Qu'est-ce que vous avez ressenti à parler avec elles, avec ces familles? Dans la dernière salle, l'atelier du chercheur de provenance, les dimanches après-midi, je suis présente et je peux accueillir les familles qui le souhaitent pour essayer de les renseigner. J'ai mon ordinateur, j'ai une grande base de données et j'essaye de les orienter dans un premier temps. Et oui, effectivement, il y a encore des familles qui cherchent, qui sont très attachées, parce que vous dire que lorsque vous restituez un tableau, il y a toujours beaucoup plus qu'un tableau. Lorsque vous restituez un tableau, vous restituez l'histoire d'une famille aussi. L'histoire d'une famille, la mémoire, son identité. Et puis, j'ai envie de dire, la reconnaissance des exactions que la famille a connue. Et ça, c'est véritablement important. Je suis toujours frappée de voir que les familles ne vont pas questionner la valeur numéraire de l'œuvre. Ce n'est pas véritablement ce qui est important. C'est ce qu'elle leur rappelle, c'est ce qu'elle témoigne. Ces œuvres sont devenues les témoins muets de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'après la guerre, des sanctions ont été prises contre ceux qui ont profité de ces spoliations et qui savaient, en achetant ces œuvres d'art, qu'elles étaient volées à des juifs? Est-ce qu'il y a des procédures juridiques lancées et par qui? Alors, vous dire que la période de l'épuration a été supportée assez aisément par les intermédiaires, par les commissaires-priseurs, les marchands. On ne peut pas dire. Ceci était particulièrement habile. Mmh. Et pour vous donner une idée, les commissaires-priseurs qui avaient véritablement beaucoup travaillé pendant cette période ont souhaité tourner Kazakh très vite, dès novembre 1944, en organisant des ventes qui présentent des catalogues avec des croix de Lorraine et en organisant des ventes en faveur de la veuve et l'orphelin, des FFI, des prisonniers et des déportés. Merci infiniment Emmanuel Polak. Rendez-vous donc pour cette expo jusqu'à novembre prochain. Quelle date précise ? Jusqu'au 3 novembre. 3 novembre, c'est bien noté. Merci. Au Merci revoir. À vous. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, l'affaire Cornelius Gurlitt, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Baptiste Guitton. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Al Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Charles Pellabon et Julien Michel.